compréhension de notre religion. Donc on continue, Inch'Allah, on s'est arrêté dans la dernière assise. Après que l'auteur ait mentionné le verset 165 de la sourate Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Donc on avait étudié ce verset et aussi un autre passage du Coran, le verset 1 de la sourate Al-An'am. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Et l'auteur avait cité ces versets pour mettre en avant ou mettre en apparence que les polythéistes du temps pré-islamique avaient donné des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala dans le domaine de l'adoration. Dans le domaine de l'adoration. Ensuite, l'auteur dit وَقَدْ عَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَانَ عِبَادَهُ كَيْفِيَةَ مُبَيَّنَةِ الشِّرْكِ فِي تَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ وَأَنَّهُ حَقِيقٌ تَعَانَ بِإِفْرَادِهِ وَلِيًّا وَحَكَمًا وَرَبًّا. Ensuite, on avait étudié ce passage. Jusqu'à ce qu'on avait terminé dans notre dernière assise, lorsque l'auteur a cité وَتَوْحِيد الْإِلَهِيَّةِ مَفْرِقُ الطُّرُقْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَلِهَذَا كَانَتْ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَلَوْ قَالَ لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهِ لَمَا أَجْزَهُ عَنْدَ الْمُحَقِّقِينَ. فَتَوْحِيد الْأُلُوهِيَّةِ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْعِبَادِ وَلِهَذَا كَانَ أَصْلُهُ الْإِلَهُ كما هو قول سيبوي وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. Et donc, dans la dernière assise, on s'était arrêté sur ce passage lorsque l'auteur dit, il cite, à la croisée des chemins entre ces deux formes d'unicité. Donc après qu'on ait fait la citation, entre l'unicité liée à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'unicité de l'adoration. L'unicité de l'adoration. Et donc l'auteur dit, quant à l'unicité dans l'adoration, elle se situe à la croisée des chemins entre les croyants et les non-croyants. Et donc l'attestation de foi, c'est-à-dire la parole « La ilaha illallah », il dit, qui veut dire qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah, dans une traduction littérale. Et le sens que Allah est l'adoré, et non le Seigneur, et non le Seigneur seulement. C'est-à-dire que la ilah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a point de Seigneur véritable, seulement. Comme on l'a stipulé, on l'a explicité hier. Sinon, ce sera insuffisant aux yeux des spécialistes. Al-Muhaqqiqun, comme il dit. Alors il dit, il incombe aux créatures d'adhérer à l'unicité dans l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya. C'est pourquoi Al-Uluhiyya, l'auteur dit, provient de la racine Al-Ilah, qui signifie Allah, qui signifie Al-Ilah. Walihada kana asluhu al-Ilah. Walihada kana asluhu al-Ilah. Comme l'a affirmé en raison la tendance de Sibawayh. Et comme on l'avait dit hier, Sibawayh est un grand grammairien. Un grand imam parmi les grands grammairiens, une grande référence dans la grammaticale arabe. Ou dans la grammaire arabe. Et cette tendance est celle de ses disciples. C'est la tendance. Lorsqu'il est dit la tendance, c'est-à-dire le sens. Le sens du terme ilah. Ilah, comme il dit. Regardez, il dit فَتَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةُ وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الْعِبَادِ وَلِهَذَا كَانَ أَصْلُهُ الْإِلَهِ. On voit bien que le mot الْأُلُوهِيَّة vient de la racine الْإِلَهِ, du mot الْإِلَهِ. Et il dit, comme l'affirme le grand imam des grammairiens, Sibawayh et ses disciples. Et c'est ce qui est authentique, parmi ce qui est rapporté. Et c'est l'avis de la majorité de ses disciples. à l'exception de certains d'entre eux. Il dit à l'exception de certains d'entre eux. Qala wa bihadha al-i'tibar, et ainsi, au regard de ce que nous avons établi au sujet du terme al-ilah, donc regardez l'auteur continue, il dit wa bihadha al-i'tibar alladhi qararna bihi al-ilah wa annahu al-mahbub l'ijtima' al-sifat al-kamal fihi kana Allah huwa al-ism al-jami' li jami' al-ma'ani للأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون. Et de ce fait, ensuite, l'auteur dit, et donc, ainsi, au regard de ce que nous avons établi au sujet du terme Al-Ilah, qui est le bien-aimé, pour avoir assemblé tous les attributs parfaits. C'est-à-dire qu'il dit, وبهذا الاعتبار الذي قررناه به الاله وهو المحبوب. Regardez, on revient au terme al-hub. On revient au terme l'amour. Comme l'auteur l'a cité lorsqu'il a cité le passage concernant le verset ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. Lorsque Allah Azza wa Jal parle des polythéistes du temps pré-islamique, Allah dit qu'ils lui ont assigné, attribué des semblables. Comment il lui a attribué des semblables? On a dit dans le verset, il est cité, en aimant autre qu'Allah, comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on avait fait une portée d'attention hier sur l'importance de l'adoration qui s'appelle Mahabbatu al-ibada, l'amour qui est d'adoration. Et donc on avait fait une portée d'attention sur ça, avec bien sûr la nuance. On parle ici de l'amour d'adoration. On ne parle pas d'autres formes d'amour, puisque l'amour, il y a d'autres catégories d'amour, comme l'amour naturel, comme on l'avait cité, l'amour d'une mère envers son enfant, l'amour de l'époux envers son époux. Ça, c'est un amour naturel, c'est une autre catégorie d'amour. Mais là, on parle de l'amour qui est adoration. Et le seul qui mérite cet amour, c'est notre Créateur subhanahu wa ta'ala. On dit bien l'amour d'adoration. Pour cela, on l'a dit, l'auteur et les savants dans le commentaire l'ont appelé Mahabbatu al-ibada. Mahabbatu al-ibada. Cet amour-là, si on aime autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala de cet amour d'adoration, alors on lui a donné un semblable dans l'adoration. Et de ce fait, on a donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala fi al-uluhiyya. Et on avait expliqué pourquoi aussi l'auteur a mentionné ce verset. C'est très important. C'est-à-dire que ici, dans ces versets précités, on voit bien qu'on peut donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et pas seulement dans le domaine de la seigneurie. C'est le résumé de ce qu'on a appris hier. Et donc, l'auteur ici, comme les grands théologiens, les gros savants qui expliquent ce passage-là, explique que les savants ont détaillé ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens de notre communauté ne font pas la différence entre les deux, comme il se doit, entre l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration. Et on va mieux comprendre dans ce qui va venir. C'est pour ça que, si vous avez bien compris, même si c'est un peu technique, mais l'auteur maintenant parle de Al-Uluhiyya, puisque maintenant qu'il a un peu détaillé Al-Rububiyya dans ce qui a précédé, l'auteur maintenant nous parle de Al-Uluhiyya. Puisqu'en réalité, c'est pour cela que les prophètes et les messagers ont été envoyés de la part du Créateur pour appeler les peuples à l'adoration du Créateur. At-Tawhid al-Uluhiyya. Et vous allez voir, c'est très pertinent comment l'auteur l'explique et ce qui va venir, Inch'Allah. Donc concentrez-vous bien à ce qui va venir. Pourquoi ? Parce que pour comprendre l'argumentation de l'auteur, il faut bien suivre le cours de l'argumentation. Pour bien comprendre l'argumentation, il faut vraiment suivre le cours. Siyaq al-Kalam. de l'argumentation. Regardez ce qu'il dit. Donc après nous avoir dit que « el-uluhiyya » en arabe, le terme provient de la racine du terme « ilah ». Que le terme provient de la racine « el-ilah » qui signifie « l'adorer ».« El-ilah ». »« El-ma'boud ». »« El-ma'lou ». Dhul ubudiyya wa dhul uluhiyya. Allah, c'est dhul uluhiyya wa dhul ubudiyya. Celui qui mérite l'adoration. Celui qui est digne d'être adoré. Regardez, il nous dit ensuite. Bihad al-i'tibar. Selon cet aspect. Selon ce qu'on vient d'expliquer. Concernant le terme al-ilah. Et donc, il est al-mahboub. Al-mahboub, c'est celui qui est aimé. Et de ce fait, du fait qu'on aime notre créateur. Et que dans notre cœur, il y a cet amour qu'on appelle d'adoration, alors c'est lui qu'on vénère et c'est à lui qu'on voue nos actes d'adoration. L'ishtimar yusifatil kamal fihi. Du fait aussi, il dit que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient les attributs de perfection. Kana Allah, et là il explique que le nom Allah, c'est le nom qui englobe tous les noms sublimes et tous les attributs de perfection. C'est-à-dire que lorsqu'on dit Allah, c'est celui qui possède tous les noms sublimes qu'on connaît dans le Coran. Et on avait explicité cela hier. Allah nous a informé au sujet de ces noms sublimes. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit, d'une manière générale, وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Et Allah, lui, détient, et Allah détient les noms sublimes, invoquez-le par ses noms. Donc Allah, il détient les noms sublimes. Et parmi ces noms, on avait expliqué hier, par exemple, Al-Samir, Al-Basir, Al-Wadud, Al-Jabbar, Al-Matin, Al-Qawi, Al-Mutakabbir, Il-Akhiri, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafour, Al-Alim, Al-Khabir, tout ça, ça fait partie des noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit Allah, on appelle notre créateur Allah. Le nom Allah rassemble tous ces noms sublimes. Wal ism al jamir, c'est le nom qui rassemble tous ces noms sublimes. Wal ism al jamir li jami' al ma'ani al asma al husna wa sifat al 'ulya wa huwa alladhi yunkiruhu al mushrikun. Et donc regardez, de ce fait, si on regarde ce que nous avons établi au sujet du terme Ilah, qui est le bien-aimé, pour avoir rassemblé tous les attributs parfaits, il convient d'établir qu'Allah est le nom générique pour désigner tous les noms et les hauts attributs divins. Cependant, à l'époque, les polythéistes reniaient ce nom. Les polythéistes reniaient ce nom. Taïb. Ensuite, il dit, قال المصنف رحمه الله ويحتج الرب جل جلاله عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد الألوهية على توحيد الألوهية. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala va dans le Coran, si vous observez le Coran, Allah va utiliser contre eux leur adhésion, d'une manière générale, à l'unicité de la Seigneurie, leur adhésion, d'une manière générale, à l'unicité de la Seigneurie, pour leur faire admettre l'unicité de l'adoration. Le terme en arabe qui est dit, yahtaj, c'est dans le sens argumenté, établir al-hujja, l'argument, traduit souvent ici par Allah Azza wa Jal, donc va mettre en avant, leur rappeler leur adhésion, leur croyance, de manière générale, en l'unicité de la Seigneurie, pour leur faire admettre l'unicité de l'adoration. C'est pour cela que lorsque vous ouvrez le Coran et vous entendez beaucoup de sourates, de passages, de versets dans le noble Coran, concernant la seigneurie d'Allah, lorsqu'on dit la seigneurie, c'est-à-dire concernant le fait qu'Allah rappelle qu'il est le créateur de toutes choses, celui qui gère cet univers, administre le souverain et roi absolu de cet univers. Cela pourquoi ? parmi les raisons pour faire admettre que c'est lui qui est digne donc d'adoration. Et c'est lui qui mérite donc l'adoration. Vous allez mieux comprendre dans ce qui va suivre. Donc l'auteur dit cela. Ensuite, il va justifier cela justement avec un verset. En l'occurrence, il va citer le verset 59 et 60 de la sourate An-Naml. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Regardez dans ce verset, le verset 59 et 60 de la sourate, on a dit An-Naml. Traduction relative et littérale du verset. Allah dit, louange à Allah et le salut à ses serviteurs qu'il a élus. Est-ce Allah qui est mieux ou bien ce qu'ils associent? Regardez l'interrogation ici. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. Ça, c'est la traduction de cette première partie. Allah dit, traduction littérale, louange à Allah et le salut à ses serviteurs qu'il a élus. Est-ce Allah qui est mieux ou bien ce qu'ils associent? C'est la première partie du verset. Ensuite, Allah dit, أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا. Regardez ce qu'il dit ensuite. Qui donc a créé les cieux et la terre? Et qui vous a fait descendre du ciel de l'eau avec laquelle nous faisons pousser les vergers réjouissants dont vous ne sauriez faire pousser les arbres? Ensuite Allah dit, أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Et Allah dit, y a-t-il un autre ilah adoré à part Allah ou en dehors d'Allah? Et là c'est la forme interrogative. أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ, est-ce qu'il y a un autre adoré à part Allah? Et donc l'auteur, après avoir cité ce verset, vous avez pu voir dans ce verset que Allah Azza wa Jal rappelle ici sa seigneurie. Qu'Allah, regardez, revenez au verset, qui donc a créé les cieux et la terre? Allah rappelle ici qu'il est le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui crée, qui donne existence à ce qui était néant. Donc Allah Azza wa Jal rappelle sa seigneurie en disant, qui donc a créé les cieux et la terre? Et qui vous a fait descendre du ciel de l'eau avec laquelle nous faisons pousser les vergers réjouissants dont vous ne sauriez faire pousser les arbres? Ça fait partie de Al-Uluhiyya ou bien Al-Rububiyya, cette partie-là. Al-Rububiyya. Ensuite, Allah, regardez, dit, y a-t-il un autre, et le terme cité dans le verset, A-ilahum ma'allahi, y a-t-il un autre ilah cité dans le verset? On reste sur le terme maintenant en arabe. Allah dit, y a-t-il un autre ilah ma'allah en dehors d'Allah? Balhum qawmun ya'diloun. Mais c'est cet, Allah dit, un peuple qui lui donne des semblables. Donc vous avez vu, ensuite, après avoir cité la seigneurie, la création, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'il y a un adoré en dehors de lui? Il cite le terme إلا قال المصنف فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد إلهية لا الربوبية. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que l'auteur ici nous enseigne que les polythéistes du temps pré-islamique, on comprend dans ce verset que eux, ce qu'ils reniaient, ce n'était pas la seigneurie, mais c'était le domaine de l'adoration. Pourquoi? Puisque Allah Azza wa Jal, ici, dans ce verset, leur rappelle qu'il est le Seigneur. Il leur rappelle une chose que eux, Ça, vous ne savez pas. Une chose qu'eux savent. Une chose qu'ils renient ou bien qu'ils approuvent. Qu'ils approuvent. Donc ils savent, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla leur dit, qui donc a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel de l'eau? Il leur rappelle ses bienfaits, que eux reconnaissent. Que eux reconnaissent. Donc, فَأَبَانَ سُبْحَانَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا كَانُوا يَتَوَقَّفُونَ فِي ثِبَاتِ تَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ لَا الْرُّبُوبِيَّةِ عَلَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَشْرَكَ فِي الْرُّبُوبِيَّةِ. Par contre, on ne nie pas le fait que parmi eux, certains ont donné des associés à Allah Azza wa Jal, même dans le domaine de la seigneurie. Jusque-là, vous comprenez? Donc, on peut avancer. قَالَ كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى وبالجملة هو سبحانه وتعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية. Et donc l'auteur ensuite dit que par contre ça n'exclut pas le fait que certains d'entre eux ont quand même donné des semblables au Créateur dans le domaine de la seigneurie et dit cela viendra dans ce qui va suivre. Mais il dit d'une manière générale, bil jumlati, fa huwa subhanahu wa ta'ala leur rappelle leur adhésion et leur croyance à la seigneurie pour leur faire admettre le domaine et l'unicité de l'adoration. Pourquoi? Parce qu'on comprend tout simplement, en résumé, que ce qu'ils renient, eux, c'est le domaine de l'adoration. Tandis que l'unicité de la seigneurie, ça, ils l'acceptent d'une manière générale. Est-ce que cet enseignement-là, il est clair? Donc, vous avez vu, dans d'autres livres, les savants expliquent cela d'une manière bien détaillée, avec des preuves. Et ici, l'auteur aussi explique ce fondement essentiel pour bien comprendre le message des prophètes et des messagers. Lorsqu'Allah, par exemple, dans le verset qu'on a cité précédemment, dit « A'ilahun ma'Allah », qu'est-ce qu'Allah leur rappelle ici? Que « Yunkir alayhim annahum ja'alu ma'Allahi alihatan ukhra fil ibadah » Lorsqu'Allah dit « A'ilahun ma'Allah », est-ce qu'il y a un adoré en dehors de lui? Après qu'il leur ait cité que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui a fait descendre cette eau, et autres, lorsqu'Allah dit « A'ilahun ma'Allah », là, Allah Azza wa Jal les réprimande d'avoir donné, de lui avoir donné des associés, de lui avoir assigné des semblables dans le domaine de l'adoration. Dans le domaine de l'adoration. Comme il est dit ensuite dans un autre verset, Ta'ala, ta'ala Allahu amma yushrikun. Et Allah est au-dessus de ce qu'il lui assigne comme associé. Une traduction littérale du verset. Fal amr واضح في هذا لا ينكره الا مكابر. Et donc l'auteur de Ifadat al-Mustafid dans l'explication de cela, il dit l'affaire est claire. Personne ne renie cela si ce n'est un orgueilleux ou un entêté. Traduction littérale. قال المصنف رحمه الله تعالى. Si on a compris ça, vous allez voir maintenant l'auteur ce qu'il va nous enseigner de manière très pertinente. Donc Allah subhanahu wa ta'ala wa ar-rabb. Allah est le Seigneur. Ar-rabb, comme il est al-ilah. Ar-rabb, le terme ar-rabb, ça sous-entend donc ar-rububiyya, la seigneurie. Ça sous-entend la seigneurie. Comme ar-rahman, le tout miséricordieux, ça sous-entend ar-rahma, la miséricorde. Ar-rabb, ça sous-entend ar-rububiyya. On a maintenant Al-Malik. Al-Malik qu'on traduit en français, de manière relative, le roi, le souverain absolu. Al-Malik. Qu'est-ce que le Malik? Religieusement, les savants, les grands théologiens, comment ils expliquent Al-Malik? L'auteur dit Al-Malik huwa al-amir an-nahi alladhi la yakhluq khalqan bimuqtada rububiyyati wa yatrukuhum suda mu'attalin. Regardez ce que l'auteur nous dit. Il nous dit, Al-Malik, c'est quoi? Al-Malik, c'est celui qui... Wal-Amir, celui qui ordonne. Et Al-Malik aussi, c'est celui qui interdit. Wal-Amir, c'est celui qui commande. Wal-Nahi, c'est celui qui interdit. الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين. Et l'auteur dit, donc le roi est celui qui soumet autrui à ses ordres. S'il crée les créatures conformément à sa seigneurie, cela n'est pas en vain. Cela n'est pas en vain. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala commande et interdit, bimuqtada rububiyatihi, alors ce n'est pas en vain. Lam yatrukum suda, comme il a dit, mu'attalin, la yu'marun wa la yunhaun. De sorte que ni ils ne sont commandés, ni n'ont de commandement, ni n'ont d'interdiction, c'est-à-dire ces créatures. Allah, il est le Malik, donc il est le souverain absolu. Ce qui sous-entend qu'il commande et c'est lui qui est interdit. Donc il n'a pas pu laisser ses êtres et les créatures comme ça, en vain, sans objectif, sans ordre, sans commandement. La yu'marun wa la yunhaun, wa la yuthabun wa la yu'aqabun, fa inna al-Malik huwa al-amir al-nahi, al-mu'ti al-mani'u, al-darru al-nafi'u, Al-Muthib al-Mu'aqib. Regardez ce que l'auteur dit. Il dit de sorte que Al-Malik, c'est celui qui commande, interdit, celui qui rétribue et punit. Al-Malik, le souverain absolu, Al-Amir al-Nahi, Al-Mu'ti al-Mani'. Et donc, c'est celui qui donne et aussi c'est celui qui prive. Ad-Darr al-Nafi', celui qui peut causer préjudice, comme qui peut être nafia, subhanahu wa ta'ala, accorder du bien ou bien l'inverse. Al-Muthib, al-Mu'aqib, est celui qui rétribue, qui récompense, ou bien celui à l'inverse qui peut punir. Et donc c'est comme ça que l'auteur ici nous explique Al-Malik, qui est Al-Malik. Taïb. Ensuite, il dit ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس سورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب الملك والإله. Donc maintenant regardez, là ça va être très pertinent. Après que l'auteur nous a expliqué le terme Rabb, qui sous-entend l'attribut de Rububiyya, la seigneurie. Il nous dit, et il nous a parlé de Al-Malik, le souverain. Qui est le souverain? Le souverain, le roi absolu, c'est celui qui a créé ses créatures, mais qui ne les a pas laissées comme ça, sans commandement, en vain. Avec nos termes à nous plus familiers, il ne les a pas créées pour rien, sans objectif. Mais Allah Azzawajal leur a donné des commandements et des interdits. Allah est celui qui donne, Allah est celui qui prive, Allah est celui qui rétribue, qui récompense, comme il est celui qui punit. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Al-Malik. L'auteur maintenant, donc là, on a fait un résumé de ce qui a été dit précédemment pour bien comprendre, parce que je voudrais bien qu'on comprenne ici, hein, maintenant, ce que va citer l'auteur, l'argumentation. Il dit, pour cela est venue la demande de protection. ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وفي سورة الفلق. Pour cela est venue la demande de protection dans la sourate An-Nas et la sourate Al-Falaq, qu'on appelle Al-Mu'awizatan, les deux sourates par lesquelles on recherche refuge et protection auprès du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est deux sourates connues de tous. Regardez l'auteur ce qu'il dit. لذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق On voit que dans la sourate An-Nas, donc les trois noms sublimes d'Allah sont mentionnés. On voit, il y a les trois noms. Al-Rabb, Al-Malikou, Wal-Ilah. Al-Rabb, Wal-Malikou, Wal-Ilah. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس كان في إثبات أنه خالقهم وفاطرهم فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم. Maintenant vous allez comprendre. Et à partir de là, lorsque vous allez lire la sourate An-Nas, là, à l'écoute de cette sourate, vous n'allez plus la comprendre, peut-être, pour ceux qui n'ont pas vraiment étudié cette subtilité de, qu'il y a dans cette sourate, là présent, vous allez mieux la comprendre, cette sourate, à l'écoute. Allah, dans le premier verset, il dit de dire, « Qul » dit, « Qul a'udhu bi rabbin nas » C'est le premier nom qui est cité. C'est quel nom qui est cité là ?« Rabb » Rabb. Allah, dans ce verset, l'auteur nous dit, Allah affirme donc dans ce verset qu'il est le Seigneur, c'est-à-dire Khaliquhum. Allah est donc leur Seigneur, celui qui les a créés. Khaliquhum wa fatiruhum, celui qui leur a donné existence. Sahulala. Maintenant, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle, il dit, dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Littéralement, c'est comme ça qu'on traduit, du Seigneur des hommes. L'Allah Azzawajal nous rappelle donc qu'il est le créateur des hommes et celui qui leur a donné existence. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Qu'est-ce qu'il reste? Maintenant, Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il reste à enseigner, à informer qu'il leur a donné, en quelque sorte, une mission? Qu'il leur a donné un commandement? Allah, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ nous rappelle ici qu'il est le Seigneur des hommes. Donc il les a créés. Dans le verset suivant, Allah dit Malikin Nas, roi des hommes. Qu'est-ce qu'un roi fait? Pour cela, l'auteur, juste avant, il a expliqué c'est quoi le rôle du roi. Al-Malik, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne. Et il interdit. Il commande. Il donne. Il prive. Il rétribue. Il récompense. Ou il punit. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'a pas créé les hommes en vain, on a dit. Donc il a donné aux hommes une charge. Quelle est cette charge? Et c'est comme si Allah Azza wa Jalla, dans le premier verset, dit « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes », c'est-à-dire qui les a créés, « مَلِكِ النَّاسِ » celui qui leur a ordonné « كَلَّفَهُمْ » il leur a donné une charge. « كَلَّفَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ » C'est pour ça que l'auteur, il pose la question, il dit, lorsqu'Allah dit qu'il est le Seigneur des hommes, il reste à leur dire, est-ce qu'il leur a ordonné quelque chose? Est-ce qu'il leur a commandé quelque chose? Qila na'am, on dit oui, puisqu'ensuite Allah dit, Malikin Nas. Malikin Nas. Donc, il ne les a pas créés soudain. Mu'attalin. Sans leur avoir donné une charge, at-taklif. Allah kallafahum. Fahum mukallafin. Donc ils ont cette charge. Qala. Qila na'am faja'a malikin nas. Fa'athbata al-khalq wal-amr. Ala lahu al-khalq wal-amr. Donc Allah, à travers ces deux versets, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, Allah a confirmé, premièrement, la création et l'ordre. La création et l'ordre. C'est-à-dire qu'il est le créateur. Et il ordonne. C'est pour ça que dans le verset 45, ou plutôt 54, pardon, de Surat al-A'raf, Allah dit « Ala lahul khalq wal amr » À lui n'appartient pas la création et l'ordre. À lui n'appartient pas la création et l'ordre. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il est « Rabb », celui qui a créé, et il est « Al-Malik ». Celui qui est le roi absolu. Et le roi, c'est celui qui commande, donne des commandements. Jusque-là, vous comprenez? Regardez, donc il dit: فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا, là on dit مكلفا, فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر. Alors, ensuite l'auteur pose une interrogation, une question, il dit: si maintenant on comprend donc que Allah est le Seigneur, et on comprend qu'il est le souverain absolu, le roi. Donc, lorsqu'on dit Seigneur et souverain, maintenant vous et nous, là, on a lu l'explication. On sait qu'est-ce que ça sous-entend. Il y a des gens, ils entendent les termes, mais ils ne savent pas ce que ça sous-entend. Rabb, ça sous-entend toute la Rububiyya, ce qu'on vient de citer, qu'il a donné existence, qu'il a créé. Malik, ça sous-entend qu'il commande, qu'il interdit, qu'il prive, qu'il donne. Yuthib ou Yuaqib, comme on a cité précédemment. Maintenant, est-ce qu'il convient, maintenant, de s'orienter vers un autre que lui ou non? Là, c'est une question que l'auteur pose. Il dit la réponse à cette question, maintenant, on l'a dans le verset suivant, le verset 3. Puisque lorsqu'on a eu le premier verset, vous lisez قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, dis Seigneur des hommes, ou plutôt dis, je cherche protection et refuge auprès du Seigneur des hommes. Donc c'est celui qui a créé. On se pose une question. Est-ce que le Seigneur des hommes a ordonné quelque chose? Est-ce qu'il commande quelque chose? On a la réponse dans le verset suivant. Malikin Nas. Est-ce que c'est la réponse? Si une personne dit non, il a dit que c'est le souverain absolu de l'univers ou des hommes. Où est la réponse? Si par exemple vous discutez avec une personne, tu dis, tu sais, notre créateur nous a créé, ce n'est pas en vain. Il dit, donne-moi une preuve. Tu dis, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ. Tu dis, Dalil, مَلِكِ النَّاسِ. La preuve, c'est que Allah dit qu'il est le Seigneur des hommes et il est le souverain, le roi des hommes. On va dire, bah, le roi des hommes. Et c'est ça la preuve. Qu'est-ce que le roi des hommes? Bah, s'il est roi, ça veut dire qu'il Wal-Amir, Wal-Nahi, Al-Muthib, Al-Mu'aqib, Al-Ma'ti, Al-Mania. Ça sous-entend ça. Donc, à la lecture, à l'écoute du premier verset, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc là, on a l'information qu'Allah a créé les hommes. Ensuite, si on la personne se pose la question, mais est-ce que ce Seigneur des hommes, est-ce qu'il ordonne quelque chose ou nous a créé comme ça en vain? On a la réponse dans le deuxième verset. Malik al-Nas. Allah dit que c'est le souverain, le roi. Donc le roi c'est Al-Amir, Al-Nahi, Al-Mu'aqib, Al-Muthib, comme on l'a dit, Kama Kunna, Wal-Mu'ti, Wal-Mani'a. Donc maintenant on se pose une autre question. Si Allah donc nous a commandé, nous a donné une charge, alors maintenant la question qui se pose, est-ce qu'on peut s'orienter vers un autre que lui? Et la réponse elle est ilah innas. Qu'on pourrait traduire de manière littérale, certains vont traduire le dieu des hommes. Ici c'est l'adoré des hommes. L'adoré des hommes. Et donc le marna qal al musannif qila ilah innas ay مألوهم محبوبهم الذي لا يتوجه العبد لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها. Et là c'est très pertinent parce que l'auteur dit qu'ensuite dans le troisième verset, lorsqu'il a dit إله الناس, l'adorer des hommes, c'est-à-dire l'aimer, puisqu'on revient au terme al-mahboub, celui qui est le bien-aimé des hommes, l'adorer des hommes, al-ma'lu'uhum wa mahboubuhum, alladhi la yatawajjahu al-'abdu al-makhluq al-mukallafu al-'abidu illa lahu, celui dont le serviteur qui reconnaît donc la seigneurie et la souveraineté de son Seigneur, alors il ne peut pas s'orienter vers un autre que lui. Vous avez vu l'argumentation qu'il y a en réalité dans la sourate An-Nas ? En d'autres termes, à l'époque, puisque vous avez vu, le Coran est descendu à l'époque de Jahiliya. Il a été révélé à l'époque de à la Mecque. Et les habitants de la Mecque, à l'époque, c'était des Arabes polythéistes, on appelle, qui vivaient au temps de Jahiliya. On appelle ça le Zaman de Jahiliya. Le Coran, donc, s'adresse à l'époque, dans ses sourates, regardez, s'adresse aux Arabes et aussi à toute l'humanité. Et Allah nous apprend que celui qui reconnaît donc que Allah est le Seigneur, Ar-Rabb, donc il reconnaît ensuite qu'Allah est le Malik, il ne peut que reconnaître qu'ensuite qu'Allah Azza wa Jal, Wal Ilah. Donc est-ce que après la lecture de la sourate, on voit qu'il y a donc une différence entre Ar-Rabb Wal Ilah? Est-ce qu'il y a une différence? Ou bien l'Ilah est semblable de Ar-Rabb? Il y a une différence entre l'Uluhiyya ou l'Rububiyya. Vous comprenez ce que veut enseigner l'auteur ici? Qala. Ensuite, il dit, donc, Ilahinnas, Ja'at al-Ilahiyya, Khatimatan wa Ghaya. On veut bien qu'ensuite, lorsqu'Allah dit, le Ilah, l'adoré des hommes, c'est venu ici pour, comme on dit, Khatimatan wa Ghaya. C'est venu conclure. Al-Ghaya. L'objectif, c'est quoi? Que ce Seigneur soit adoré. Que celui-ci soit adoré. Wa hatani as-suratani a'zamu 'udha fi al-Qur'ani. Wa ja'at al-isti'adhatu bihima waqt al-hajati ila dhalik. Et donc, les savants nous disent que ces deux sourates, on parle de quelle sourate? Celle qu'on appelle Al-Mu'awwidhatan, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. C'est les plus grandes sourates, min a'zami suwar, concernant la demande de protection. Lorsqu'on veut se réfugier auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les plus grandes sourates. Qala, wa ja'at al-isti'adatu bihima waqt al-hajati ila dhalik. Et donc, lorsqu'on a besoin de chercher protection auprès d'Allah, de se réfugier auprès d'Allah, ces deux sourates, il faut les dire et les réciter. Il faut les dire et les réciter. Qala, wa hina suhira an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa khuyila lahu annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'alahu wa aqama 'ala dhalika 40 yawman kama fi as-sahih. Le prophète lui-même a été ensorcelé, comme c'est rapporté. Et le prophète a été ensorcelé et il est resté comme cela une quarantaine de jours. Il est rapporté 40 jours. Le prophète pensait, khuyilala, annahu yaf'alu shay wa ma fa'alahu. Il avait des intuitions ou des hallucinations qu'il faisait une chose alors qu'il ne la faisait pas. Le prophète était ensorcelé, sallallahu alayhi wa sallam, et les savants disent qu'il est resté comme cela pendant 40 jours. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة بعد. Donc pour terminer, en résumé, donc l'auteur, pour résumer ce qu'on a appris précédemment, l'auteur, avant de nous avoir dit que ces deux sourates, sourate Al-Falaq ou sourate Al-Nas, sont des sourates immenses pour demander la protection, le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, donc, en résumé, on a appris que ces deux sourates, donc dans ces deux sourates, Allah, lorsqu'il dit qu'il est le Dieu des hommes, ilahinnas, autrement dit, il est leur divinité, leur bien-aimé, uniquement vers lequel il incombe de se tourner. Et donc on a appris que l'adoration qui vient en dernier lieu est donc le but suprême. L'adoration qui vient en dernier lieu, pourquoi? Parce qu'il est dit Rabb Nas, ensuite Malik Nas, qul a'udhu bi Rabb Nas, Malik Nas, Ilah Nas. Donc on a vu Ilah Nas vient en dernier lieu. Et donc c'est donc le but suprême et les éléments précédents cités en sont comme les préparatifs, l'auteur dit. C'est comme si lorsqu'il est dit qu'il est le Seigneur des âmes, le souverain des âmes, c'est comme si c'est les préparatifs. Mais le but ultime, ou le but suprême, c'est l'adoration. Et donc, ensuite, on a dit qu'elles furent utilisées, donc, ces deux sourates. Ces deux sourates, elles furent utilisées par le prophète, en somme, quand il en eut besoin. Quand le prophète en eut besoin, il les a utilisées. Il y a eu recours pour conjurer le sortilège qui lui avait été jeté. Qui lui avait été jeté. Et on a dit cela pendant 40 jours, comme le confirment les recueils authentiques. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'impression d'avoir fait 11, ou plutôt avait l'impression d'avoir fait une chose alors qu'il ne l'avait pas faite. Et certains disent, dans certaines narrations, il est rapporté qu'il y avait eu 11 nœuds en tout, qui furent consacrés à ce sort. Et donc Allah révéla 11 versets afin que chacun d'eux se charge de dénouer l'un de ces nœuds. Mais ça, c'est rapporté par El-Bayhaqi avec une chaîne de transmission jugée faible par certains savants comme Al-Hafidh ibn Hajar. Walidhalik, on reprend en arabe ce que dit l'auteur. Faqal al-musannif rahimahullah wa hatani as-suratani a'zam 'udhat. A'zam عذت في القرآن عذت في القرآن وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك وحين سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخيل له أنه يفعل شيء وما فعله وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. قيل فأقام 40 ليلة أقام النبي صلى الله عليه وسلم فسحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيل كما ذكر المصنف هنا قال خيل له أنه يفعل الشيء وما فعله وقام على ذلك 40 يعني ليلة. وفي رواية وهب أو وهب ابن هشام عن أحمد قيل 6 أشهر 6 أشهر ويمكن الجمع بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه والأربعين يوما من استحكامه. ثم قال المصنف وكانت عقد السحر 11 عقدة وكان عقدة أو عقد السحر 11 عقدة فأنزل الله المعوذتين فأنزل الله المعوذتان المعوذتان يعني سورة الفلق وسورة الناس. وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسم الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفة الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا والمرغوب إليه في أن يعبد في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن اسم الله هو الغاية للأسماء ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها قال والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية ولبقية الكلام إن شاء الله في حلقة قادمة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك